Exercice d'endurcissement de l'esprit. Grand-mère nous dit, fils de chienne. Les gens nous disent, fils de sorcière, fils de pute. D'autres disent, imbécile, voyou, morveux, âne, goret, pourceux, canaille, charogne, petit merdeux, gibier de potence, graine d'assassin. Quand nous entendons ces mots, notre visage devient rouge. Nos oreilles bourdonnent, nos yeux piquent, nos genoux tremblent. Nous ne voulons plus rougir ni trembler. Nous voulons nous habituer aux injures, aux mots qui blessent. Nous nous installons à la table de la cuisine, l'un en face de l'autre, et en nous regardant dans les yeux, nous disons des mots de plus en plus atroces. L'un, fumier, trou de cul. L'autre, enculé, salopard! Nous continuons ainsi jusqu'à ce que les mots n'entrent plus dans notre cerveau, n'entrent même plus dans nos oreilles. Nous nous exerçons de cette façon une demi-heure environ par jour, puis nous allons nous promener dans les rues. Nous nous arrangeons pour que les gens nous insultent et nous constatons qu'enfin nous réussissons à rester indifférents. Mais il y a aussi les mots anciens. Notre mère nous disait, mes chéris, mes amours, mon bonheur, mes petits bébés adorés. Quand nous nous rappelons ces mots, nos yeux se remplissent de larmes. Ces mots, nous devons les oublier parce que, à présent, personne ne nous dit des mots semblables et parce que le souvenir que nous en avons est une charge trop lourde à porter. Alors nous recommençons notre exercice d'une autre façon. Nous disons, mes chéris, mes amours, je vous aime, je ne vous quitterai jamais, je n'aimerai que vous, toujours, vous êtes toute ma vie. À force d'être répétés, les mots perdent peu à peu leur signification et la douleur qu'ils portent en eux s'atténue.